Les Saguenay de Chicoutimi ont annoncé que Jean-Marc Richard, l'ancien numéro 6 des Sags, qui a porté les couleurs de 1983 à 1987, verra son chandail retiré. Il deviendra le 10e joueur des Sags dans l'histoire à voir son chandail retiré. Et en table ronde, j'ai décidé de parler à celui qui sera fêté le 3 janvier. Salut Jean-Marc! Salut! Et Marc Fortier, évidemment, notre collaborateur de hockey. Et pourquoi j'ai réuni Marc? Parce que c'est des bons souvenirs. Et souvent, Marc Fortier a souvent donné crédit à Jean-Marc Richard pour ses chiffres dans la Ligue de hockey Junior de Québec. Salut Marc! Salut Danny, salut Jean-Marc! Jean-Marc, salut. D'abord, salut, Marc. Si on y allait avec tes premiers commentaires quand tu as su ça. Ben, je veux dire, sous le coup, je ne croyais pas. Là. Je sais que Renal ne m'aurait pas dit des niaiseries là, ouais, en m'annonçant ça, mais sous le coup, j'étais surpris, mais j'étais super content aussi. Puis c'est tout un honneur. Là, je veux dire, on joue hockey, mais on joue pas hockey pour se faire retirer un chandail. On joue hockey pour gagner les championnats et les séries. Mais ça, là, c'est la cerise là, qui vient sur le gâteau à la fin de tout. Là. OK. Marc, t'as souvent rendu crédit à Jean-Marc Richard pour tes chiffres dans la Ligue de hockey junior du Québec. La plus grande force de Jean-Marc Richard, c'était quoi? Son coup de patin, sa vision de jeu, ou toutes ses réponses? Ben, tu sais, Jean-Marc, c'est un tout, hein. C'est sûr et certain que il y avait un coup de patin qui était très, très fluide. Jean-Marc sur une glace. Moi, je pense que la plus grande force que Jean-Marc avait, c'était son sens d'anticipation. Il anticipait beaucoup les jeux. Il contrait souvent là, des attaques adverses. Puis il relançait rapidement le jeu. Alors, on a eu une belle complicité, moi et Jean-Marc. On est arrivé ensemble avec les Saguenayens il y a 17 ans. C'était des années qui n'étaient pas faciles au début. Tu sais, l'intimidation marchait encore à ce moment-là. On était des jeunes joueurs. C'était justement l'année, entre autres, avec Marc Bergevin, qui était avec les Saguenayens. Et ensuite de ça, ben, on a fait nos 4 ans ensemble avec les Sags. On a signé les deux à Jean Libre avec les Nordiques. On s'est retrouvés les deux ensemble à Fredericton à notre première année et on était co-chambreurs ensemble. Alors, on a eu un cheminement qui était le fun à vivre ensemble. Puis, c'est sûr que ça a formé une amitié qui dure encore aujourd'hui. Jean-Marc, moi, ce qui m'a surpris en lisant le quotidien ce matin, c'est que en 1983, tu étais seulement un joueur invité, puis tu avais été retranché de la Ligue collégiale. C'est quand même surprenant, oui, ça, qu'il y a des dépisteurs dans le temps n'ont pas vu ton talent pareil. Oui, ben ça a commencé. Ben moi, je jouais dans ma paroisse. Je jouais, supposons, à Pee-Wee A, Bantam B, Bantam A. Puis là, mon année à midget, j'ai fait midget 2C chez moi. Okay. Et puis là, j'ai fait le camp d'entraînement à ma deuxième année, midget à Sainte-Foy, midget 3, et j'ai fait l'équipe. Et puis c'est sûr qu'il y a toujours de l'ancienneté là-dedans. Fait que moi, je me suis retrouvé à ma deuxième année, midget 3, mais c'était ma première année, midget 3. Fait que là, il y avait tous les vétérans qui avaient... Habituellement, ils prennent première année, midget 3, puis après ça, tu fais ta deuxième année, midget 3, puis là, ben, tu joues, t'as plus de glace. Fait que là, moi, je suis arrivé midget 3, pas beaucoup de glace. J'ai joué un petit peu, puis là, il y a eu le repêchage junior majeur. C'est sûr que je jouais pas assez pour être remarqué. Ouais. Et puis, j'ai eu une invitation des Saguenayens. Puis avant ça, j'avais eu collégial 3. J'ai dit, je vais aller faire le camp d'entraînement collégial 3. Et après ça, on verra. Puis j'avais été retranché de dernier défenseur collégial 3. Puis là, j'avais eu l'invitation à Chicoutimi. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller faire là? Le collégial 3, c'est moins fort que le junior majeur. Je vais perdre mon temps. Mon père m'a dit, vas-y, t'as rien à perdre. Ouais. Fait que j'ai pris mes valises, puis je suis allé à Chicoutimi, puis ça a bien fonctionné. Jean-Marc, est-ce que tu penses que dans le temps, sa petite stature était... là, Jean-Marc me compte l'histoire. Tu penses-tu que ça a joué même là? Absolument, parce que à l'époque, on se souvient que pour la Ligue nationale, là, les joueurs qui étaient repêchés, spécialement les défenseurs, là, c'était à l'époque qu'on appelait là, les bœufs de l'Ouest qui étaient repêchés. Alors, c'est des défenseurs qui fallait quasiment que tu aies un minimum 6 pieds 2 puis que tu pèses 210 livres pour qu'on te remarque. Alors, Jean-Marc faisait partie plus de l'autre côté, de petits défenseurs intelligents, mobiles, mais qui, même moi, là, à l'époque, j'étais quand même à 6 pieds, 192 livres. Je te dirais, quand j'ai fini mon année junior, et puis j'étais considéré comme un petit joueur là, pour la Ligue nationale. Ouais. Alors, c'est pour te dire comment à cette époque-là, on y allait plus avec de gros gabarits. Puis ça a peut-être empêché Jean-Marc d'avoir une meilleure chance là, pour la Ligue nationale. Jean-Marc, quand tu vois ça, est-ce que les petits défenseurs offensifs comme toi, avec une vision de jeu, ça n'avait pas la cote dans le temps? Quand tu vois aujourd'hui que les Samuel Girard, les Jarrett Spurgeon, les petits défenseurs également qui sont là, on la cote maintenant. Quinton Hughes à Vancouver, on dit que c'est incroyable la vision de jeu de son coup de patin. Tu dis-tu que t'as manqué, t'es pas né dans la bonne époque? Parce que convaincu que Jean-Marc Richard pourrait jouer. Ouais. C'est dur à dire. À mon époque, j'ai eu quand même du succès, même si j'étais pas grand et gros. Présentement, je sais pas. Moi, dans mon temps, il y avait beaucoup d'accrochages. On se protégeait défenseur entre défenseur. Ça me permettait, moi, de jouer souvent avec un gros bonhomme à défense, mon partenaire. Fait qu'il me faisait beaucoup de blocs. Il accrochait les joueurs adverses qui venaient me frapper là, dans le coin de patinoire défensivement. Ça m'aidait beaucoup. J'ai jamais eu de commotion cérébrale non plus. Tout le monde me protégeait là, pour pas que je me fasse trop frapper. Et puis j'allais chercher la rondelle à toute vitesse dans le coin, puis je ressortais, elle faisait une bonne passe, là, une sortie de zone. Puis j'allais beaucoup à l'offensive aussi. Mais quand je me faisais pogner, quand je me faisais avoir, ben moi, dans ce temps-là, on pouvait accrocher. Fait qu'on pouvait revenir en s'accrochant après un joueur, puis on n'avait jamais de punition. C'est difficile de savoir si j'aurais du succès. Si, avec toutes les chances que j'ai prises offensivement dans le temps, si je les prendrais encore dans ce temps ici, je ne sais pas si ça pourrait marcher aussi. C'est sûr que je m'ajusterais, mais on ne peut pas dire si ça serait mieux ou moins bon. Je ne sais pas. J'ai parlé de ces cas-là avec des défenseurs comme Samuel, comme Spurgeon, comme Quinton Hughes. Toi, Marc, tu penses qu'il pourrait performer en 2019? Il y aurait une chance, certainement. Là. Mais chaque époque est différente. Danny, je vais dire, comme Jean-Marc dit, aujourd'hui, les joueurs arrivent à 100 000 à l'heure dans le coin pour aller chercher la rondelle parce qu'il n'y a pas d'accrochage. À notre époque, c'est sûr et certain qu'un gars qui voulait forechecker à toute vitesse, ben, il s'était déjà fait accrocher par l'ailier adverse. Il y avait déjà eu une interférence du défenseur. Alors, c'est sûr que le joueur arrivait moins rapidement dans le coin. Alors, ça donnait peut-être une seconde de plus, justement, à des gars comme Jean-Marc ou d'autres défenseurs, une seconde de plus pour aller chercher la rondelle et puis pouvoir faire un jeu. Ceci étant dit, on s'ajuste avec les époques, là. Tu sais, on prenait juste, on en a parlé souvent, Danny, on parle juste des entraînements. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui disent, admettons, on parle d'un exemple, le mieux Gretzky aujourd'hui, ce serait plus difficile. Mais c'est sûr et certain que Gretzky, le mieux, s'entraînait pas dans le temps. Puis il arrivait dans le pro, dans le saison, puis il dominait. Fait que même un Gretzky ou un Lemieux qui s'entraîne comme un Crosby ou un Subban s'entraîne, ça aurait été des machines extraordinaires. Alors, de notre côté, c'est la même chose. C'est sûr et certain qu'on n'avait pas les programmes d'entraînement que les joueurs ont aujourd'hui. On n'avait pas les programmes de nutrition qu'ils ont aujourd'hui. Alors, avoir fait les mêmes méthodes qu'aujourd'hui, est-ce qu'on aurait été capable de jouer comme on l'a fait dans le temps? C'est une bonne question, mais chaque époque est différente, alors c'est difficile à comparer ça. Ton meilleur souvenir, Jean-Marc, avec les Sacks? Ben, c'est nos deux séries qu'on a perdues en finale. C'est sûr que nous, on voulait gagner chaque année, puis se rendre peut-être 2 ans sur 4 en finale, je pense que c'est un bel exploit quand même. C'était Mario Bazinet qui était votre entraîneur, Marc, hein? Dans le fond, là, nous autres, dans nos 4 ans, moi et Jean-Marc, là, on a eu Michel Parizeau la première année, Mario Bazinet l'année 2 et 3, et Gaston Drapeau l'année 4. Là. Donc, c'était ça. Ouais. Jean-Marc, est-ce que le fait... Je pense, excuse-moi, je pense, Marc, aussi, l'année 3, je pense qu'il y avait eu Mario, mais il y avait eu Pierre Sivigny qui avait fait... Mario Bazinet avait été congédié, et puis c'est Pierre Sivigny qui avait pris la relève ensuite. C'est le Pierre Sivigny du Tim Horton à Québec? Non. Défenseur qui a joué pour les Sacks, pour Trois-Rivières, un des meilleurs défenseurs aussi de l'histoire du junior majeur là, qui était l'assistant de Mario Bazinet, dans le fond. Puis quand Mario a été congédié pendant la saison, c'est Pierre qui avait pris la relève jusqu'à la fin de la saison. Jean-Marc, est-ce que le fait que tu avais signé avec les Nordiques à l'époque, est-ce que le fait que Marc avait signé avec les Nordiques, ça avait un impact? Ça a eu un impact dans ta décision? Ou tu avais été seulement approché par les Nordiques à l'époque? Oh, j'ai pas eu de décision là-dedans. Je veux dire, c'est peut-être un peu Gaston aussi, Gaston Drapeau, qui était notre coach, qui a eu une influence. Là. Il connaissait peut-être du monde dans l'organisation des Nordiques, puis il avait dit, gars, ce joueur-là, donne-lui sa chance, tu ne le regretterais pas. Mais c'est Marc qui avait signé pas mal longtemps avant moi. Puis moi, c'est Gaston peut-être qui m'a aidé un peu. Puis il a dit, prenez une chance avec cette personne-là, puis allez-y. Puis c'est ça qui est arrivé. Ben Jean-Marc, ça va se passer le 3 janvier, alors que les Tigres de Victoriaville seront de passage à Chicoutimi pour affronter les Sags. Marc, un gros merci. Nous, on va s'en reparler, Marc, quand l'actualité va l'exiger. Et Jean-Marc Richard, félicitations encore une fois pour votre intronisation du 3 janvier prochain. Ben, un gros merci. Voilà, donc Jean-Marc Richard des Saguenay-Chicoutimi qui a porté les couleurs de 1983 à 1987.